L'actualité à Nancy et ailleurs. Un grand florilège musical organisé par les Roulettes du Téléthon et le comité des fêtes de Richard Ménil. Ce sera le vendredi 2 décembre avec en concert Jean-Michel Géant qui est en studio. Bonjour. Bonjour. Et vous allez nous interpréter les plus belles chansons françaises des années 60 à 80. On va découvrir un peu votre univers musical. Mmh. Et ce n'est pas la première fois que vous organisez un petit concert comme ça à l'occasion du Téléthon. Expliquez-nous un peu les origines. Comment c'est venu ? Bien, en effet, je suis guitariste amateur et totalement autodidacte. Hein. Je précise, je ne me connais même pas en musique. J'ai toujours eu envie de faire une prestation avec Georges Brassens, qui est vraiment un de mes chanteurs préférés. Donc l'année dernière, il se trouve qu'on célébrait les 100 ans de sa naissance et les 40 ans de sa disparition. Et à cette occasion, donc, j'ai contacté le comité des fêtes de Richard Ménil pour proposer un concert dans ce sens. Et ça tombait sensiblement à la période du Téléthon. Et on a décidé d'associer les deux pour, en même temps, récupérer des dons pour le Téléthon. Et ça s'est passé comment alors ? Et ça s'est super bien passé, beaucoup mieux que je l'avais pu l'imaginer, puisqu'on a fait quasiment salle comble. Il y a eu pratiquement, je crois, 160 personnes. Alors, je ne m'attendais jamais à un tel raz-de-marée. et donc, ça m'a un petit peu encouragé à renouveler l'expérience, puisque ça a été plutôt positif. Et donc, cette année, voilà, j'ai renouvelé ma proposition pour des choses un peu différentes, parce qu'on ne va pas refaire tous les ans la même chose. Bien sûr. Alors, on va y revenir, mais avant de parler plus concrètement de ce qu'on va pouvoir entendre lors de ce concert que vous proposez donc le 2 décembre, le Téléthon dans la commune de Richard Ménil, ça revêt une importance particulière. Ça fait très longtemps que ça existe. Oui, effectivement, les informations que j'ai pu avoir, ça fait, je crois, 27 ans aujourd'hui. C'est un regroupement de bénévoles dont la famille Graillot est à l'origine, qui a créé donc ce regroupement qui s'appelle les Roulettes du Téléthon, particulièrement donc le fils Hervé, qui est très dynamique et qui organise tous les ans des manifestations pendant plusieurs semaines, voire presque plusieurs mois, pour obtenir des dons pour le Téléthon, avec différentes manifestations de tout genre. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé ma prestation dans ce sens-là également. Voilà, les Roulettes du Téléthon qui récoltent beaucoup d'argent sur le département pour cette manifestation du Téléthon. Si on peut donner des chiffres, je crois qu'on récolte sensiblement aux environs de 25 000 euros par an. Mmh. Ou je crois que l'année dernière, même, ça a été 27 000 euros. C'est ce qui est conséquent pour une commune comme Richard Ménil qui avoisine à peu près les 2 000 habitants. C'est quand même remarquable. Et c'est vrai que je précise même une chose, c'est que Richard Ménil est la commune du département qui récolte le plus de dons pour le Téléthon, devant même Nancy. Et donc, on tient à conserver cette place plutôt honorifique. Mais grâce à une sacrée équipe quand même qui s'investit fortement dans cette action. De bénévoles dont je suis très fier de faire partie depuis l'année dernière. Et voilà, avec ce concert, revenons-en justement à cette date du vendredi 2 décembre. Ce sera à 20h15 à la Maison du Temps Libre de Richard Ménil. Alors si l'année dernière vous en avez parlé, c'était vraiment axé sur Georges Brassens. Mm-hmm. Cette année, il y aura certainement du Brassens, je me doute. C'est fort possible. C'est fort possible, mais vous ouvrez un peu plus à d'autres chanteurs et d'autres chansons qui ont marqué la chanson française. Qui on va pouvoir écouter cette année, par exemple ? Sur ma petite affiche, là, j'avais mis quelques noms comme ça qui me sont venus immédiatement, du style de Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, Michel Delpech, enfin tous ces chanteurs qui ont vraiment marqué ces années-là. Alors, il y en a certains qui sont toujours présents. Beaucoup qui ne sont plus là, malheureusement, mais c'est vraiment pour moi les années les plus représentatives là, en termes de chansons françaises, et c'est là que je trouve le plus mon inspiration, en fait. Voilà. On invite tous les auditeurs à participer, à venir chanter avec vous aussi, à la Maison du Temps Libre de Richard Ménil. Ce sont en général des chansons qui sont toujours très connues aujourd'hui, et j'espère bien que le public va me soutenir dans ce sens-là. Et bien sûr, faire un don aussi à cette occasion pour le Téléthon, parce que ce n'est pas un concert payant, c'est un concert au profit du Téléthon. Bien sûr, voilà, il ne faut pas l'oublier. Le grand florilège musical, je le rappelle, c'est le vendredi 2 décembre à 20h15 à la Maison du Temps Libre à Richard Ménil. Est-ce qu'il faut s'inscrire d'ailleurs pour cette soirée ? Oui, c'est recommandé parce qu'il y a toute une organisation à prévoir au niveau du comité des fêtes. Puis en plus, le nombre de places est quand même limité dans cette salle. Et donc, il vaut mieux, c'est même très recommandé de s'inscrire. Alors donc, il y a un numéro de téléphone à donner ? Un numéro de téléphone, oui, c'est le numéro du comité des fêtes. C'est le 06 45 29 60 69. Donc vous pouvez le faire dès maintenant, il y a déjà pas mal d'inscriptions justement, et donc on peut le faire jusqu'à presque à la veille, mais ça permet quand même de prévoir le nombre de personnes au total, et c'est préférable. Merci beaucoup Jean-Michel Géant. C'est moi qui vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.